AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors ça, c'est ma grand-mère. Jeanne Sfer, historienne. C'est une photo qui a été prise dans les années 20, plutôt fin des années 20, début années 30. Et ma grand-mère Soraya, qui est sur son balcon dans le Mont Carmel. Et derrière, on voit un peu un paysage avec des arbres et une colline. Et cette photo symbolise pour moi une sorte de Palestine perdue, paradis perdu de ma grand-mère qui était là-bas et qui vivait heureuse dans le Mont Carmel et qui descendait à Haïfa et qui a été comédienne de théâtre à Haïfa avec son mari. C'était juste pour vous montrer ça avant qu'on commence, pour vous dire d'où je viens aussi. Ma mère et ses frères et sœurs et ses parents sont partis en 1948. Donc ils n'ont pas vécu ce que les autres Palestiniens ont vécu, c'est-à-dire la plupart des Palestiniens qui sont arrivés, ils croyaient qu'ils allaient rentrer. Donc ils se sont entassés sur les frontières et puis plus la guerre continuait. Et puis après la suite, ils ont signé les armistices et les accords de paix avec Israël et ces accords qui stipulaient un non-retour. Donc... ils étaient coincés et pour ceux qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas de famille comme la famille de ma mère, ils sont restés. Ils sont restés dans les camps et ils ont eu une vie d'errance, une vie, surtout au Liban, le statut des réfugiés jusqu'à aujourd'hui est le plus mauvais statut dans le monde arabe puisque ils ont été considérés comme des étrangers. On leur a pas donné le droit à la propriété, on leur a pas donné le droit à l'éducation gratuite dans les écoles au public au Liban et ils n'avaient pas également accès à la santé. C'est-à-dire aux soins de la sécurité sociale, ils étaient complètement pris en charge par l'ONUROA, qui est l'Agence des Nations Unies pour le secours et le travail des réfugiés palestiniens, une agence qui a été spécifiquement créée pour régler le sort des réfugiés palestiniens. Notre premier mot d'ordre était l'Aouda, l'Aouda, l'Aouda. Le retour, le retour, le retour. Leïla Shahid. On était 400 000 réfugiés au Liban en 1948. Maintenant, on est 200 000. La plupart qui ont pu partir sont partis. Parce que les Palestiniens sont très maltraités. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas acheter de terrain, ils ne peuvent pas acheter d'appartement pour vivre. Et la plupart du temps, c'est les confessions chrétiennes qui disent « Oh, regardez, ils sont en train de nous remplacer. Pourquoi ?» C'est pas par racisme, c'est parce que ils sont perçus comme étant une menace démographique. Les Palestiniens, la question palestinienne, la fabrique du réfugié et le désir de reconquête. Somanina, Alain Lefkovitch. L'attitude de l'État libanais dès leur arrivée en 1948 était: c'est pas notre problème. Ils ont un statut étranger, ils sont marginalisés, et c'est les Nations Unies et la Croix-Rouge qui s'occupent, enfin les instances internationales qui s'occupent de leur sort. La Jordanie, en 1948, a opté pour naturaliser en masse. Donc, ils ont été naturalisés. Et puis, vous savez tous que la femme du roi jordanien est d'origine palestinienne, donc les Palestiniens sont plus ou moins bien intégrés. Pour l'Égypte, ils ont été plus ou moins perçus de la même manière que les Libanais percevaient, mais ils étaient en bien moindre nombre. Puis avec Nasser, quand il va arriver, il va avoir aussi une politique très ambiguë vis-à-vis d'eux. Mais en tout cas, pour le Liban, c'était l'ennemi intérieur nécessaire qui renvoyait en miroir à une identité libanaise en formation. C'est-à-dire que ça les confortait quand ils sont arrivés en 1948. Le Liban venait à peine de prendre son indépendance. Le Liban a pris son indépendance en 1943. Et les Libanais vont voir l'afflux des réfugiés et ces réfugiés qui viennent de Palestine, ces voisins qu'on connaît très bien, puisqu'il y avait beaucoup de relations, mais ce sont des étrangers. Petit à petit, va émerger une nouvelle génération de jeunes palestiniens qui veulent la revanche. Alain Grèche, journaliste, spécialiste de la Palestine. Et qui va faire le pari, cette période qui va de 48 à 67, la plupart vont faire le pari de l'unité arabe. C'est-à-dire, le mot d'ordre, c'est la libération de la Palestine passe par l'unité arabe. Et l'unité arabe, c'est essentiellement Nasser. Donc beaucoup vont rejoindre des organisations nassériennes, etc. Et l'effondrement de Nasser en 67 va créer une fenêtre d'opportunité, je dirais, pour les organisations de Fedayeen de s'affirmer comme une force majeure pendant une courte période, mais suffisante pour qu'ils prennent le contrôle de l'OLP, ils deviennent un acteur autonome sur la scène régionale. C'est dans les camps de réfugiés de Jordanie, du Liban, de Syrie et d'Égypte connaissent les Fedayeen, comprendre ceux qui sont prêts au sacrifice autour de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, seule capable de leur donner la revanche. Adnan Husseini, membre de l'exécutif de l'OLP, en charge des affaires de Jérusalem. You know that the Palestinians are trying to do something. Vous savez, les Palestiniens réfléchissent tout le temps. Ils essaient de faire des choses tout le temps. Ils ont eu des problèmes en Jordanie, au Liban et aussi en Syrie. Partout, partout autour de la Palestine, dans toute la région autour de l'État d'Israël. En fait, ils travaillent dans des pays qui ne sont pas les leurs. Ils voulaient combattre les Israéliens en étant réfugiés dans d'autres pays arabes. Et ces pays ont trinqué, comme le Liban. Ils ont fini par comprendre qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. C'est logique. Oui, j'ai besoin du soutien de mes frères ou des pays arabes, mais je dois prendre le problème à bras le corps et décider moi-même. Ils peuvent me conseiller, mais ils ne peuvent pas décider à ma place. Leur intérêt prime toujours. PLO, trois énormes lettres fixées sur la façade de verre du siège de l'Organisation de Libération de la Palestine, située dans un quartier huppé de Ramallah. Sur les murs, des dizaines de visages, ceux qui ont depuis le 28 mai 1964 œuvré à cette libération de la Palestine. Dans le hall d'entrée, un immense portrait de l'icône incontestée, du fondateur, Yasser Arafat, que tous appellent ici, de son nom de guerre, Abou Ammar. Tania Tamari Nasser, chanteuse. Je me souviens très bien de la fierté et de l'émotion que j'ai ressentie lorsque j'ai rencontré pour la première fois un Fedayeen. Je ne suis pas une personne politisée. Même sans imaginer ni analyser les répercussions, je me suis dit, voici quelqu'un qui fait partie d'un mouvement qui pourrait nous apporter la libération. Et j'étais très émue. C'était un jeune homme très beau, qui parlait bien avec intelligence. Une personne consciente de son destin. Il croyait en la Palestine et la libération de la Palestine. Ça correspondait à ce que je vivais sous l'occupation. C'était très important pour moi. C'était une renaissance physique, pas simplement un idéal, le sentiment que c'était vraiment le moment pour nous, aussi naturel que ça, comme une métamorphose de la lutte, du traumatisme, de ce que nous avions vécu, de notre dispersion partout dans le monde, et de la façon dont nous sommes menacés en tant que peuple, en tant qu'identité. En vieillissant, je suis contente de me rappeler pourquoi je croyais vraiment en l'OLP et en un État démocratique. Je croyais que c'était la réponse à notre problème. combats aériens, bombardements, engagement au sol d'unités blindées sur plusieurs fronts, du territoire de Gaza au désert du Sinaï jusqu'à Jérusalem, et même le long de la longue frontière israélo-jordanienne, c'est la guerre. Archive ORTF, 5 juin 1967. Nous allons examiner la situation militaire. En bordure de la Méditerranée, dans le territoire de Gaza, les forces israéliennes auraient remporté un succès militaire important. La ville de Khan Younes, dans la partie méridionale du territoire, a été occupée par les Israéliens. Les forces égyptiennes, massées dans le secteur nord du territoire, se trouveraient donc isolées. La ville de Gaza, elle-même, serait également bloquée par cette manœuvre. Selon le Caire, des combats se seraient déroulés à l'intérieur même de la ville de Khan Younes, mais les Israéliens auraient été repoussés. D'Israël, notre envoyé spécial, Pierre Lantac. En 67, la guerre des six jours est un tournant parce que Yasser Arafat va redonner du sens à ce nationalisme palestinien. Il va réveiller en quelque sorte cette identité nationale. Oui, tout à fait. Il va en fait la structurer autour de l'Organisation de libération de la Palestine. Il va lui donner également un mythe fondateur qui est la bataille de Karameh en Jordanie, puisqu'avec la guerre des six jours, les Arabes vont comprendre qu'ils ne pourront pas libérer la Palestine. Et après 67, Yasser Arafat va arriver avec le Fatah et va inverser la problématique en leur disant « Ce n'est pas l'union des États arabes qui va libérer la Palestine, mais donnez-nous l'argent, donnez-nous les moyens de nous entraîner et nous, les Palestiniens, nous libérons la Palestine et nous unirons tous les Arabes. » Le soldat de garde parlait français, il s'appelle Gilbert et je lui avais demandé comment il jugeait la situation. J'avais 7 ans quand les Israéliens nous ont occupé la Cisjordanie en 1967. Maji Malki, professeur de sociologie à l'université de Bir Zeit et chercheur à l'Institut des études palestiniennes de Ramallah. Et je me rappelle quand on a quitté Ramallah pour aller dans le village à côté parce qu'on avait peur. Mais quand je suis retourné à Ramallah après 2 mois, après l'occupation du mois, j'ai trouvé une autre maison qui est située au centre du ville de Ramallah. Bombardé par un avion israélien et je voyais ma chambre complètement détruite et tout, et là j'ai su qu'il y a un changement dans notre vie. ...1967, c'est la défaite, la grosse défaite. Le récit qui est véhiculé par les Israéliens sur David contre Goliath, c'est-à-dire que nous, petit État envahi par les États arabes, le géant voisin arabe, on a réussi à 2 fois à le battre, et en 6 jours. Et donc il y avait toute cette image qu'on avait de l'État d'Israël, imbattable, invincible, avec l'Israeli Defense Force, l'IDF qui est l'armée israélienne qui commence à avoir une réputation de la meilleure armée du monde. Et en 1968, il y a à la frontière avec la Jordanie des blindés qui arrivent, qui sont attaqués par des fédaïnes, des guérilleros palestiniens, et on arrive à défaire une partie de la troupe israélienne. Et on va ériger ce récit de la victoire de Karameh, et Karameh en arabe veut dire dignité. Donc de retour de la dignité arabe grâce au combat des fédéines palestiniens. Et à partir de ce moment-là, les États arabes vont offrir, en Jordanie en tout cas, ils vont être obligés d'offrir des camps d'entraînement au Liban Sud également. Les moyens, on va leur donner de l'argent, les pays du Golfe vont financer, pour bâtir cette force naissante de lutte armée, de ces freedom fighters, qu'on va appeler ces combattants de la liberté, que sont les fidaïnes, qui sont considérés par d'autres comme étant des terroristes, parce qu'ils ont leur kéfier, et alors qu'ils fascinent une partie de la jeunesse arabe, pas uniquement palestinienne, qui veut rejoindre les rangs de ces fidaïnes, parce qu'ils savent que la lutte traditionnelle avec des blindés armés, militaires, arabes, ne marchera pas. C'est la tactique des guérilleros, avec des attentats ou des incursions ciblées, qui peuvent amener à des résultats concrets. Où en est-on en ce mois de décembre de cette résistance ? 22 décembre 1971. Il y a eu en effet, vous vous en souvenez, l'assassinat de M. Washfitel, le premier ministre jordanien, l'attentat contre l'ambassade de Jordanie à Londres et enfin l'attentat contre la représentation jordanienne à Genève. Mais le terrorisme palestinien était à peu près équivalent au terrorisme des Contras en Amérique du Sud ou le terrorisme allemand ou français à l'époque de l'Armée rouge ou de l'Italie. Oui, mais pour nous, on ne considère pas les Bader-Meinhof ou les Japonais ou les Italiens, les Brigades Rouges comme des terroristes. C'est des luttes internationales dans le contexte du mouvement progressif. Et donc, pour certaines fractions palestiniennes, surtout la gauche et la gauche nationaliste comme les PF, FLP, comme les autres. C'était très important d'avoir des relations avec ces mouvements-là à l'époque, surtout qu'on commençait la lutte contre Israël, la lutte armée et tout. Les quelques années, au début des années 70, c'était vraiment de faire connaître la cause palestinienne aux communautés internationales. C'est ça qui était très important à l'époque. Et pour les Palestiniens qui étaient ici en Cisjordanie, notre expérience était complètement différente. Notre expérience était de construire des institutions, associations concernant à soutenir la peuple palestinien ici, d'aider les Palestiniens à bien vivre, de conserver les mémoires palestiniennes, parce qu'il y avait des défis complètement différents des Palestiniens de l'extérieur. 5 septembre 1972. Acte politique, piraterie, brigandage international, quel terme utiliser pour qualifier ce qui s'est passé ce matin à Munich? On pensait aux épreuves de la journée, l'équitation, la boxe, le basket, le volley-ball, lorsque deux hommes sont morts, tués par ceux qui ont décidé, selon les principes exigeants de l'action révolutionnaire, d'agir partout, à tout moment, par surprise, en profitant de la plus grande publicité possible. Ils ont réussi. Maintenant, les Palestiniens de Septembre Noir détiennent 9 otages israéliens et ils menacent. Si à 17h, heure de Paris, les conditions posées ne sont pas remplies, nous tuerons encore. Nous. Leïla Shahid, diplomate, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France. Ce qu'on appelle les actions terroristes palestiniennes, ça veut dire les tournements d'avions. Les assassinats qui sont venus après étaient des actions violentes pour les mêmes raisons que les autres, ça veut dire pour attirer l'attention. Ça veut dire qu'on avait perdu la Palestine, on avait perdu la Jordanie, on avait perdu le Liban, ça veut dire les 3 lieux où vivaient les grandes communautés palestiniennes. Et le monde semblait nous avoir oubliés, comme un peu maintenant. Et donc, ces gens qui ont commencé à détourner des avions, à aller à Munich, etc., c'était pour dire, oh là là, l'opinion du monde, on est encore là, on n'est pas parti, on n'a pas disparu. Et donc, cette violence tout azimut, qui était bien sûr barbare, comme toutes les violences contre les civils, elle était faite avec le but d'attirer l'attention. D'ailleurs, Arafat a interdit toute opération de ce genre. Le jour où il a été reconnu comme représentant des Palestiniens à l'ONU en 1974 et qu'il est rentré dans l'Assemblée générale à New York avec ses kéfiers sur la tête et juste le truc du revolver, mais sans revolver, et où toute la salle s'est levée pour l'accueillir. Lorsqu'il a vu qu'on était reconnu, il a dit « Je renonce à la lutte armée. » Comme ça, je renonce, j'étais présente, je renonce à la lutte armée puisque maintenant je peux mener un combat non violent et diplomatique. Extrait du discours devant l'Assemblée générale de l'ONU de Yasser Arafat le 13 novembre 1974. « Je suis venu tenant d'une main un rameau d'olivier et de l'autre un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. » « 1974. J'ai commencé à l'école, il y avait des manifs contre Israël et j'ai participé comme tous les jeunes à l'époque sans vraiment savoir pourquoi et qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelques slogans que je connais. C'était contre l'administration civile qui voulait imposer sur la Cisjordanie à l'époque du gouvernement de travailliste israélien. Et là, on a commencé à faire des manifs. Et en 1976, je me rappelle, il y avait des petites intifadas aussi qui s'étaient éclatées. Et là, on est entré dans le mouvement des résistances de petit à petit. C'est comme ça que tous les jeunes commencent leur vie à travers la famille d'une façon ou d'une autre, mais à travers leurs copains aussi à l'école ou à l'université. Et pendant les années 80, j'étais à l'université et là, c'était vraiment tous les jours des manifs contre Israël. Et j'avais l'espoir de changer beaucoup de choses. Aussi de voir des Japonais, des militants français, des militants européens qui viennent nous soutenir, soit au Liban, soit ici. Ici en Cisjordanie. Pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement des Européens, mais aussi des Israéliens. Moi, je me rappelle des trotskistes et des communistes israéliens juifs qui venaient soutenir la cause palestinienne, pour soutenir les étudiants à l'université du Birzeit quand ils ferment le militaire ferme l'université pour 2 mois, 3 mois. Et ils viennent pour manifester à Ramallah et partout pour ouvrir l'université. Et pour nous, ça nous donne l'espoir et ça nous donne la possibilité de continuer à résister pacifiquement et aussi à être collectif et être bien organisé. Moi, je me souviens de 67, puisque j'avais 17 ans. Dominique Vidal, historien. Tout le monde était pour Israël. Je veux dire, on était... quelques amis dans la cour de la Sorbonne, mais on était comme des huluberlus. Enfin, le mot palestinien n'existait pas. Les journaux n'utilisaient pas le terme. Et quand l'ONU a fait la fameuse résolution 242 du 22 novembre 1967 pour demander à Israël de se retirer des territoires occupés et demander aux Arabes de reconnaître Israël, et ben dans la résolution, il n'y a pas le mot palestinien. On parle des réfugiés. Même pas quels réfugiés, on dit une juste solution du problème des réfugiés, c'est tout. Et je peux situer à peu près les moments où l'opinion décroche. Donc ça commence fortement avec les massacres de Sabra et de Shatila. Il y a bien eu massacre, vous l'avez vu, et personne n'a fait état de la présence de soldats israéliens à l'intérieur de ces camps palestiniens. Mais pour Yasser Arafat, les responsabilités sont claires et du doigt, il désigne Israéliens et Américains. Yasser Arafat était aujourd'hui à Damas, où il a commenté ce massacre. 18 septembre 1982. Combien de temps encore les citoyens américains vont-ils couvrir le prix de ces crimes, de ce génocide, de ces crimes, de ces massacres? Ce n'est pas contre le peuple palestinien seulement. C'est une honte. C'est contre l'humanité. Sabra et Shatila en 82, il y a eu une coalition entre les milices chrétiennes qui étaient dirigées par Becher Gemayel à l'époque, qui va s'allier avec Ariel Sharon, donc on va avoir un accord, et Kamil Chamoun qui était également l'ancien président en 58, et ils vont se dire, pour se débarrasser des armes de l'OLP et de Yasser Arafat qui était au Liban, vous venez dans le sud, nous on vous appuie dans le nord et on arrive à se débarrasser comme ça des fedayins. Et donc il va y avoir le siège de Beyrouth Ouest et ce siège va empêcher à la fois les Palestiniens mais également la population libanaise de Beyrouth Ouest de vivre normalement, parce qu'ils vont vivre sous les bombes, ils vont avoir des coupures d'électricité, des coupures d'eau, il ne va plus y avoir de médicaments, et donc on va véritablement assiéger cette ville. Et les solidarités avant qui existaient avec, entre les Libanais et les Palestiniens, parce qu'il y avait des Libanais, il y en a encore, des Libanais pro-palestiniens, vont se dissoudre un peu parce qu'ils vont vivre un enfer à cause de la présence palestinienne. Bref, l'OLP va céder, on va organiser leur départ, donc les soldats vont partir, les camps seront vidés des combattants, il n'y aura que les femmes et les vieux et les enfants. En septembre 1982, Béchir Gemayel, avant, est élu président, en fait il est pratiquement nommé, et quelques jours plus tard, il meurt suite à un attentat à la bombe de son QG. Et là, les miliciens vont devenir fous et vont descendre vers les camps. Les Israéliens sont toujours à Beyrouth. Les soldats israéliens qui étaient arrivés à Beyrouth après l'opération Paix en Galilée, et donc ils sont arrivés à Beyrouth Ouest et ils avaient vidé les camps des combattants palestiniens, vont aider quelque part les miliciens chrétiens qui étaient enragés parce que leur chef charismatique, Béchir Gemayel, a été assassiné. Et on va accuser directement les Palestiniens d'être derrière ça. Or, on sait maintenant que ce n'était pas les Palestiniens, c'était plutôt la Syrie qui avait envoyé quelqu'un pour le faire. Et pendant 3 jours et 3 nuits, éclairé à la bombe éclairante, il va y avoir un massacre à l'arme blanche, avec des viols, avec des fosses communes, à la cité sportive, où on va même appliquer des massacres, où on va mettre les hommes ou les femmes autour de cette fosse et puis on va les tuer, les balancer directement l'un après l'autre. 18 décembre 1987. Au Proche-Orient, la tension est toujours très vive ce soir dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie. De sources palestiniennes, on a appris cet après-midi que 3 jeunes manifestants palestiniens avaient été tués dans la région de Gaza. 6 autres auraient été blessés. Aujourd'hui, jour de prière dans les mosquées, les autorités israéliennes craignaient visiblement de nouveaux mouvements. À Jérusalem, reportage de Bernard Benyamin et Pascal Stelletta. C'est une journée qui s'annonçait paisible à Gaza. La ville avait un visage différent des autres jours. On faisait ses courses sans que rien ne vienne troubler la sérénité apparente de la petite ville. Apparente parce que nous étions vendredi, jour de prière dans tout le monde musulman. 13h, la prière est terminée. Les esprits sont échauffés. Tout va basculer en quelques minutes. L'armée veille à distance et l'on va voir apparaître du côté de l'hôpital le premier drapeau palestinien suivi du premier cocktail Molotov. C'est le signal qu'attendait l'armée pour intervenir. Grenade lacrymogène et tir de M16, les armes sont toujours les mêmes. De l'autre côté aussi, et ce sont des pierres. En 87, on a la première intifada qui va avoir lieu. Et donc cette première intifada, je vous avais parlé tout à l'heure du mythe de David contre Goliath, où on avait l'État d'Israël qui était contre les voisins géants. Là, avec la première intifada, les journalistes vont rapporter des images d'Israël-Palestine, de petits garçons avec la fronde, et cette fronde, ils vont l'envoyer contre un char, un tank, Merkava de l'armée israélienne. Et cette image qui va circuler va faire inverser le regard. Maintenant, le David contre Goliath, c'est pas l'État d'Israël contre la Palestine, c'est le petit garçon palestinien avec sa fronde qui va affronter le tank israélien. Donc ça, c'est, on est en 87, la première intifada, un soulèvement populaire mené par les femmes, par les enfants, mais également par une société civile qui se trouve délaissée par l'OLP, délaissée par l'autorité palestinienne, mais dont l'autorité palestinienne va s'intéresser de plus en plus et va un peu encadrer ce mouvement. Et de l'autre côté, au même moment, à Gaza, on va avoir le mouvement Hamas qui va naître au même moment où l'intifada va avoir lieu en Cisjordanie. Et le Hamas qui naît, il est dans une logique de d'éradication de l'État d'Israël pour la libération de la Palestine, une Palestine qui serait également avec une constitution très marquée par la religion, un État théocratique quelque part. Et la création de l'État, selon la charte du Hamas palestinien, ne correspond aucunement aux aspirations du Fatah, qui est laïque. Ce mouvement prend une telle importance qu'il bouscule la carte géopolitique. Et notamment, le roi Hussein de Jordanie, qui était encore vivant à l'époque, déclare qu'il renonce à la Cisjordanie. Or, comme vous le savez, j'imagine, son grand-père, le roi Abdallah, avait annexé la Cisjordanie à l'issue de la guerre de 48. Donc c'était un geste politique énorme de la part de la Jordanie que de dire « nous renonçons à la Cisjordanie ». Du coup, les Américains rentrent en tractation avec les Palestiniens, et Arafat organise à Alger, le 15 novembre 1988, un Conseil national palestinien. 15 novembre 1988. Bonsoir. L'OLP a adopté la nuit dernière une stratégie nouvelle. Le Conseil national palestinien a à la fois accepté la résolution 242 de l'ONU et proclamé la naissance d'un État palestinien. Accepter cette fameuse résolution de l'ONU constitue une reconnaissance implicite d'Israël, réduite aux frontières de 1947. Cette étape historique a été vécue dans la liesse à 1h40 ce matin à Alger. Alger, la ville, et l'Algérie, le pouvoir, était le seul pays qui a accueilli tous les conseils nationaux palestiniens. C'est quoi le Conseil national palestinien? C'est le Parlement en exil, parce qu'on était en exil. La révolution palestinienne, c'est une des rares révolutions anticoloniales qui n'a pas lieu sur le terrain de la patrie à libérer, mais ailleurs, chez les voisins, parce que nous sommes le produit des réfugiés. C'est les réfugiés qui ont été les premiers militants. Ce n'est pas les paysans installés en Palestine, c'est les paysans qu'on a mis à la porte, qui sont devenus des combattants. C'est ce que raconte Jean Genet dans Un captif amoureux. Et donc Arafat a ce flair extraordinaire de dire « je vais déclarer l'État palestinien ». Je pense qu'on n'a pas compris la signification. On pensait que c'était seulement une manière de crâner, de dire on existe, voilà, vous ne nous reconnaissez pas, mais nous, on déclare qu'on existe. D'ailleurs, c'est le peuple qui annonce qu'il existe, il n'a pas besoin de reconnaissance, surtout pas de son ennemi en plus. Mais moi, je pense qu'il a vu très loin et que c'est un homme historique dans ce sens-là, réalisant que la réalité politique, géostratégique, militaire, l'envoyait de plus en plus loin de la Palestine. Il va en Jordanie, puis au Liban, puis après il va en Tunisie, il est dans un hôtel, les combattants vont au Yémen parce que personne ne veut des combattants, ils vont en Algérie. Il se dit, mais au lieu de me rapprocher de la Palestine, je m'éloigne de la Palestine. Donc il faut faire quelque chose qui soit un choc. Et il déclare, sur la base qui est reconnue par tous les États du monde, qui est le plan de partage, la résolution 181 qui dit deux États, et Jérusalem, corpus separatum, ça veut dire un corps séparé qui n'est ni israélien ni palestinien et qui sera un jour peut-être la capitale des deux. Puisque je le déclare, il est évident qu'il faut que je reconnaisse Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il choisit comme frontière? Le plan de partage, ça veut dire 57% à Israël et le reste aux Palestiniens. Mais la présence démographique des gens n'est pas exactement comme le plan de partage. Ça veut dire que le plan de partage nous donnait une partie de ce qui est aujourd'hui Israël dans le triangle. Donc il dit, c'est le plan de partage, le principe d'un État palestinien, d'un État israélien, mais sur les frontières de 67. Parce qu'aujourd'hui, en 1988, les territoires sont surtout habités par des Palestiniens, chrétiens et musulmans, et Israël, c'est surtout là où elle n'a pas empiété sur des territoires occupés. Ce qui était très intelligent comme idée. Le Conseil national palestinien, au nom de Dieu et du peuple palestinien, proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre, avec pour capitale Jérusalem la Sainte. Premièrement, il proclame l'État de Palestine, c'est-à-dire qu'il y a très vite près de 100 États qui le reconnaissent. même s'il est un État sur le papier. Hein. Deuxièmement, ils reconnaissent Israël. C'était évidemment un geste qu'ils n'avaient jamais fait. Et troisièmement, ils prennent position contre toute forme de terrorisme. Et du coup, l'ONU invite Arafat, le 15 décembre, un mois plus tard. Il ne peut pas aller aux États-Unis parce que les États-Unis ne lui donnent pas de visa. Donc l'Assemblée générale de l'ONU se déplace à Genève. Et Arafat proclame ce qui a été décidé à Alger un mois avant. Il y a d'ailleurs une anecdote assez drôle au moment de la conférence de presse qui a suivi l'intervention d'Arafat. Il y a évidemment des journalistes qui lui disent que c'est pas assez, il faut encore plus. Toute la vie d'Arafat, on lui a demandé un peu plus que ce qu'il disait toujours. C'était le jeu. Et Arafat, avec son anglais extraordinaire, dit « It is finished. I am naked. The striptease is over. » C'est une manière de dire aux gens, voilà, on n'ira pas plus loin, on a dit ce qu'on avait à dire. On se proclame, on reconnaît Israël, on renonce au terrorisme, voilà les bases de la négociation. C'est vrai que cette session était celle du Conseil national palestinien de l'Intifada, mais elle pourrait être aussi la session de la paix. La session de la paix, si les États-Unis et Israël le veulent. Mitterrand invite Arafat la première fois à Paris en 89, en disant « Arafat a reconnu l'État d'Israël, nous devons, nous, en contrepartie, lui renvoyer l'ascenseur. » Il ne reconnaît pas un État palestinien puisqu'il n'a pas encore, mais il reconnaît l'OLP et il ouvre une délégation officielle et on est devenu délégué général de la Palestine en France, qui est un terme que Roland Dumas lui souffle, pour ne pas dire représentant de l'OLP, OLP étant une organisation, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il lui dit, président, on va faire comme de Gaulle avec le Québec, on va l'appeler délégation générale, comme ça on met le mot Palestine dedans, délégation générale de Palestine en France. Et le président Mitterrand a accepté, et c'est comme ça qu'on est devenu délégué général de Palestine. Il y avait déjà le nom du pays. C'est ça qui ouvre le chemin pour Oslo. C'est le moment où l'OLP arrive à l'apogée de sa puissance limitée. C'est-à-dire qu'il est clair que les Palestiniens des territoires occupés n'accepteront jamais l'occupation israélienne. Donc, il y a une espèce d'impasse politique. Il y a un gouvernement israélien qui refuse effectivement l'idée d'un État palestinien. Il va y avoir ensuite l'effondrement de l'Union soviétique et la guerre, la première guerre contre l'Irak de 90-91, où Bush, pour assurer ses alliés arabes, c'est l'Égypte par exemple, ou la Syrie qui vont participer à la guerre, promet qu'après la victoire, la question palestinienne sera résolue. Donc on a un moment de bascule où entre, disons, 91-93, il y a une conjonction de forces qui fait que les Palestiniens sont prêts à un compromis. Les États-Unis, l'Union soviétique, mais aussi l'Europe, qui joue un rôle important, pense que vraiment il faut régler, qu'il faut négocier avec l'OLP, que c'est pas des terroristes, que etc. Et où il y a une situation, une tension interne en Israël, qui fait qu'une partie de la population pense qu'il faut trouver une solution. C'est le moment où on pense à l'idée de deux États. Ils applaudissent. L'accord vient d'être signé. Et chacun attend le geste. Ce geste à la fois si simple et si compliqué. 13 septembre 1993. Yitzhak Rabin, hésitant, n'a pu refuser cette main tendue par Yasser Arafat. Comme prévu, la déclaration de principe sur l'autonomie intermédiaire de 5 ans a donc été signée par Shimon Peres et Abou Mazen, le chef du département des affaires internationales de l'OLP. L'accord entre en vigueur dans un mois, retrait des forces israéliennes de Gaza et de Jéricho dans 4 mois, transfert des pouvoirs aux Palestiniens, puis élection directe d'un conseil de l'autonomie sous 10 mois. Signature et émotion quand Yitzhak Rabin puis Yasser Arafat ont pris la parole. Nous qui sommes venus d'une terre où ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Nous qui nous sommes battus contre vous, les Palestiniens. Nous vous disons aujourd'hui, d'une voix forte et claire, assez de sang et assez de larmes. Assez. La bataille pour la paix est la plus difficile de notre vie. Elle mérite nos efforts les plus soutenus parce que la terre de la paix aspire à une paix juste et globale. Et comme si le geste était désormais devenu banal, Yasser Arafat est allé une nouvelle fois chercher la main d'Itzhak Rabin. Et Oslo s'est cassé la gueule, pas parce que c'était un mauvais accord, parce qu'il n'a jamais été mis en œuvre. Il a été mis en œuvre jusqu'à l'assassinat de Rabin. Et ils l'ont assassiné pour ne pas continuer la mise en œuvre d'Oslo. 3 balles, une dans la poitrine, une dans le ventre et une dans la colonne vertébrale. 5 novembre 1995. À 21h50, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin s'écroule en descendant de la tribune dressée sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv. Devant 100 000 personnes, il vient de prononcer son dernier discours plein d'espoir sur la paix. Quelques minutes seulement avant le meurtre, Yitzhak Rabin avait souligné « Le peuple veut la paix et s'oppose à la violence, car c'est la violence qui mine les fondements » de la démocratie israélienne. L'assassin d'Yitzhak Rabin est un jeune étudiant israélien de 27 ans, Yigal Amir. Connu de la police, il avait participé à des actions commando avec des colons juifs extrémistes et il est soupçonné d'avoir, par 2 fois déjà, tenté d'assassiner le Premier ministre. Je me rappelle lorsque je suis rentrée dans le bureau de Arafat, juste après l'assassinat, j'étais avec une délégation française pour un accord bilatéral entre la France et la Palestine. Il était dans son bureau à Gaza, complètement bouleversé. Et spontanément, je lui ai dit en arabe l'expression que nous disons pour dire qu'on est triste et on présente nos condoléances. Je présentais à Arafat les condoléances pour Yitzhak Rabin. C'est très rare que tu présentes au chef d'un des protagonistes. Et il m'a regardé en me remerciant de ses yeux que je comprenais qu'il fallait que je lui présente mes condoléances, parce que pour lui, Rabin était devenu son partenaire. Et c'était vice-versa aussi. Et il me répond en me disant « Merci Leïla, mais la paix est terminée. Maintenant qu'il n'est plus là, il n'y aura plus jamais de paix. » Le gros problème des accords d'Oslo est qu'ils avaient laissé de côté la question des colonies. En disant celle-là, on ne l'aborde pas, on l'abordera en statut final. Entre les accords et le statut final, on nous avait dit qu'il va y avoir une période intérimaire. La période intérimaire, elle a maintenant 30 ans. Elle n'a abouti à rien, si, à une multiplication jamais vue des colonies. Ce qui a permis sur le terrain de changer complètement la donne et de rendre précisément l'application du concept des deux États tout à fait impraticable. Nazmir Jourbé, historien à l'université de Bir Zeit, spécialiste en archéologie. Je pense que les Israéliens n'étaient pas sérieux au sujet des négociations. Les Israéliens voulaient simplement que nous reconnaissions le contrôle d'Israël sur tout le territoire par le processus de la paix. Je pense que les Israéliens n'avaient aucune intention de lâcher 1 centimètre de ces terres. Au maximum, ils nous accordaient le droit de ramasser nos ordures, mais rien de plus. Au maximum des droits municipaux, mais tout le reste resterait totalement sous contrôle israélien. Les accords d'Oslo n'étaient pas loin d'entériner ça, rien à voir avec ce que voulait Arafat. Donc l'intention était clairement d'aveugler ceux qui pensaient que le processus de paix allait continuer. Quand j'ai compris ce qu'étaient les accords d'Oslo, je n'y ai pas participé, j'étais contre. J'ai dit que c'était fini. Le processus pour la paix est fini. Le processus va continuer, mais pas pour la paix. Du côté palestinien, il y avait une réelle tentative de construire la paix, de faire des compromis. C'était un grand compromis, vous savez. Les négociations ont commencé, étape par étape, mais finalement, comme nous le voyons aujourd'hui, les Israéliens ne sont pas convaincus de construire la paix avec les Palestiniens. Ils ont essayé de construire la paix avec des pays arabes, avec les pays voisins, avec la région, mais rien sur la Palestine. Que veulent-ils que la Palestine soit ? Une main-d'œuvre qui construit leurs bâtiments, leurs usines et leurs services en échange de rien, d'aucune souveraineté, d'aucun droit. C'est ça le problème. Et c'est notre situation aujourd'hui. Malheureusement, la communauté internationale n'accorde aucune attention à ce problème. En Amérique et en Europe, on croit que la solution, c'est la solution à deux États. La solution à deux États. La solution à deux États. Mais les Israéliens disent qu'il n'y a qu'un seul État. Où est l'autre État ? Ils devaient donc nous aider à construire notre État, mais ils ne nous aident absolument pas. Les Israéliens confisquent des terres en permanence en construisant des colonies. Aujourd'hui, nous avons 750 000 colons en Cisjordanie. Bientôt, les colons seront plus nombreux que nous. Alors, c'est quoi cette paix ? Vous savez, vous ? Où sont les principes de 1993 ? Où est la communauté internationale ? Et nous ne pouvons pas croire Netanyahou et son peuple. Quoi qu'ils fassent, l'Amérique les soutiendra. Vous savez qu'il y a eu 90 vétos au Conseil de sécurité sur la question palestinienne depuis 1948 ? Nous avons 140 pays qui soutiennent la Palestine. L'Amérique dit « Attendons, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. » C'est quoi le problème ? Fareh Abou Medem, ancien ministre de la Justice de Yasser Arafat. Les Palestiniens, à une époque, n'étaient pas maîtres de leurs décisions. C'étaient les pays arabes alentour, la Syrie, l'Irak, l'Égypte et Nasser qui décidaient tout à la place des Palestiniens. Nous avons commencé la résistance depuis 1948. En Algérie, le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, était déchiré entre gauche et droite, islamistes et laïcs. Ça a été leur plus grosse erreur. La deuxième erreur, c'est d'avoir accepté les accords d'Oslo. On l'a accepté par faiblesse. L'organisation était exilée et n'avait que 70-80 000 membres dans les pays arabes, et nos soldats étaient éparpillés. Après la guerre du Golfe et la chute de Bagdad, nous étions confrontés à certains problèmes. L'organisation voulait sauver la peau de ses membres de l'étranger. Elle a donc accepté Oslo. Nous étions sur le territoire palestinien. Oslo a ignoré la question de la colonisation. Voilà, elles sont là, nos erreurs. Mara Lafoutienne, notre fixeuse en Cisjordanie. On est à Ramallah et on est juste en face de la tombeau de l'ancien président palestinien Yasser Arafat. Son mort a changé l'avenir de la peuple palestinien. Et c'était en 2004, novembre 2004. De jeunes Palestiniens qui viennent à Ramallah pour la première fois ou pour justement pour plaisir à Ramallah. Et donc ils viennent toujours, la première truc qu'ils font, c'est de passer par le tombeau de Yasser Arafat. Arafat a une présence absolument extraordinaire dans le cœur des Palestiniens. Il n'a pas inventé la poudre comme Marx ou Lénine, ça veut dire il n'a pas créé une idéologie, mais il a été vraiment le seul représentant de son peuple et très proche de son peuple, et son peuple l'aimait. Vous ne pouvez pas monter dans un taxi collectif sans voir les portraits de Arafat. Vous ne pouvez pas rentrer dans une maison sans voir le portrait de Arafat. Vous voyez le portrait de Abbas dans toutes les administrations officielles, ils sont obligés. Mais il n'y a pas cette relation, il n'y a pas cette adhésion, cet amour. Et il l'a mérité, parce qu'il a combattu dans plein d'endroits. Il a combattu en Palestine, il a combattu après en Jordanie, après il a combattu au Liban, et après il les a ramenés en Palestine. Même si tout le monde n'est pas rentré, mais l'OLP est rentré. Et lui, moi je me rappelle la réunion où il nous a demandé de voter avec ou contre les accords d'Oslo et son retour. Moi j'ai voté avec. Et il y avait des gens qui ne voulaient pas voter avec parce qu'ils disaient « on va voter, mais il n'y a pas d'État ». Seulement, ils nous disent « revenez et on reconnaît votre droit à l'autodétermination », mais ils ne nous disent pas qu'ils vont reconnaître un État. Il a dit « écoutez, si vous voulez gagner le match de football, il faut bien que vous jouiez dans une des deux équipes. Si vous êtes assis dans les gradins, il n'y a aucune chance que vous gagniez le match ». Et donc, moi, je vous dis que moi, je ne vais pas voir l'État palestinien. Mais moi, je vous ramène en Palestine, je ramène l'OLP, et reste à vous et à vos enfants de militer pour que cet État voie le jour. C'est tout à fait la vérité. Et moi, je pense aujourd'hui que dans la société palestinienne, le legs de Arafat est immense. Hanine Batlaoui, journaliste à Ayam Katam, à Ramallah. Je me souviens qu'on nettoyait devant la Moukata après une manif où des gens venaient de toute la Palestine. Abu Ammar avait réussi à fédérer les Palestiniens de différentes villes, ce qui est impossible maintenant. Maintenant, il y a 10-20 personnes maximum. I do like Abu Ammar for his kindness, and he was a very loving person. Like he helped many people. J'aime Abu Ammar pour sa gentillesse et il était une personne très aimante. Il a aidé beaucoup de monde. Politiquement, il a beaucoup donné, mais je déteste les accords d'Oslo. Et je pense que c'est une des pires choses qui pouvait arriver au peuple palestinien. Mais c'est arrivé. Et nous devons trouver toutes les solutions pour vivre avec. Nous devons l'accepter. C'est arrivé, c'est du passé. Nous devons avancer. Donc, je ne veux pas le blâmer entièrement. C'était difficile d'être un président face à de telles circonstances, mais je souhaite qu'il repose en paix. Ses funérailles étaient les plus importantes que j'ai jamais vues, parce que mes parents vivaient devant la Moukata, la demeure présidentielle. J'ai vu tant de journalistes et beaucoup, beaucoup de gens de la presse. C'est de là qu'est venue ma vocation. C'est pour ça que j'ai étudié le journalisme. Vous voulez dire que depuis qu'il est mort, en novembre 2004, personne n'a été capable de le remplacer ? Bien sûr que si. Plein de gens pourraient le remplacer. Mais nous ne voulons pas de quelqu'un pour remplacer un autre. Nous voulons quelqu'un qui nous guide vers le meilleur. Quelqu'un qui a l'intention de faire de la Palestine un super endroit. Que ce soit quelqu'un comme lui ou comme l'actuel dirigeant. Nous avons besoin de quelqu'un qui illumine notre futur et qui nous améliore nos conditions de vie. Voilà ce que nous voulons. Actuellement, nous dépendons des Nations Unies et des pays donateurs. Nous n'avons aucune ressource ni économique ni politique. Nous sommes là et nous n'arrivons pas à expliquer à nos enfants ce qu'est Oslo. Aujourd'hui, la nouvelle génération ne comprend rien à Oslo. Elle a le sentiment que le plan de partage, c'est la Palestine et qu'elle vit sur une partie de la Palestine, à Gaza ou en Cisjordanie. Impossible d'expliquer la tragédie dans laquelle nous vivons à cette nouvelle génération. Nous vivons une série noire. Ici, à Gaza, cette génération est dans la survie, sans un shekel en poche. Elle n'a même plus le courage d'aller à l'école. 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Plus personne ne pense à l'identité nationale. Ce n'est pas la fin du rêve, mais la fin de l'espoir aujourd'hui. Car il y a deux étapes, l'espoir et le rêve. L'espoir aujourd'hui n'existe pas, mais la nouvelle génération rêve encore d'un avenir meilleur. C'est un vidéo qui parle sur l'attaque à Huara et les colons attaquaient une voiture avec un vieux monsieur par un garde de la colonie Yitzhar. Et donc la famille était tous traumatisés. Et en peur, il avait une petite fille avec eux. Voilà. Ils font le check. Voilà. Shalom. C'était « Les Palestiniens et la question palestinienne, la fabrique du réfugié et le désir de reconquête » avec Tania Tamari, Farah Aboumedem, Hanin Batlaoui, Leila Shahid, Maral Khoutiene, Hanan Husseini, Nazmir Jourbé, Elias Sambar, Alain Grèche, Dominique Vidal, Jian Sfer et Majdi Malki. Avec les voix de Renaud Dalmar, Marianne Chassor, Anaïs Isabert, Rafik Zénine, et Stéphane Spada. Merci à Indiana Burkel pour son aide dans la préparation de ce documentaire, à Antoine Villoz et à Véronique Lefaleur. Archivina Ingrid Anne Lecointe, traduction Indiana Burkel et Baptiste Murier, attaché de production Anaï Morales, attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Carvran, prise de son Marie-Claire Oumabadi et Claire Levasseur. Mixage Antoine Viossa, un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Somanina pour la série documentaire.